pas d'hier que moi je casse les portes. Et je suis un enfant des favelas. Moi j'ai la cote sur la côte jusqu'à Figueras. Je passe ma vie en Espagne, j'ai la tête dans l'espace. J'ai le baron qui monte quand je vois rentrer les espèces. La Guardia met le giro, mais nique sa mère au tartine. Arrivé au PH sur la A9, ça patine. Les darons au comptoir sont défoncés au pastis. Pour douiller les touristes, poto, j'ai toutes les astuces. Je suis natif d'Orléans, la ville des drogues transporteurs. J'avance à pas de géant du flambeau, je suis le porteur. J'ai pas de parc et dans le rap pour faire de la zumba. T'as vu mon gabarit, je suis plus Timon que Pumba. Je passe mes étés sur Empuria où je trace au Malaga. Fini l'époque où je dormais sur un banc devant la gare. Tu veux qu'on parle de rue, je te parle de la vraie cahier. Nous fais pas la mafia, on sait que t'as jamais un racaillé. Je dis que je suis à Perpignan, on me demande si je connais Nasdas. Vas-y démarre la Kawasaki ou le gaz-gaz. Bienvenue chez nous, la Catalunya, c'est un monde à part. Des têtes à tête comme à l'ancienne, y'a personne qui sépare. Mikolasson est mort, y'a personne qui le répare. Que des donneurs de go, des putes qui veulent pas me voir ses pères. Eh, hey, ici c'est pas les rap contenders. Fais pas le show, on graille ton équipe comme des crapules. Ouais. Qui se lève pour faire des billets. J'passe le Buenos Dias à Messancho. Dans la noche on revient tout piller. Pourtant toi ne m'appelle pas mon Franjo. J'ai le regard vidé sous la capuche. Le 635 est caché sous le poncho. J'ai vidé tes poches par de crapule. Ici frérot personne ne pistonne. J't'envoie des gadgets pour 4 michetonnes. Ils font les voyous sur les réseaux, ils en font des tonnes. J'fais les comptes chez la famille à Santa Margarita. T'es un Yankee et toi tu viens nous parler de Calida. J'suis le petit gypsy qui a retourné toute la costa. Au tribunal ça chauffe, j'appelle le bavé d'Acosta. Arrête de faire le youf, personne te connaît sur le bitume. Ils ont vécu la rue seulement dans leur saucerie thune. Personne ne dit mon blast car c'est péché comme Voldemort. La famille est connue de Barça jusqu'au phare de meurtre. On marche en meute mais dans ma tête j'suis un loup solitaire. J'ai sort la nuit sous la cagoule, moi j'laisse ma folie faire. 3 ans et demi de cavale, j'ai mis en sueur le proc. Mon meilleur ami pendant des années c'était mon Glock. Hey, revenu dans le rap pour mettre des pistaches. Tu veux manger, lève-toi et marche et fais la guichta. J'dis que j'suis à Perpignan, on me demande si j'connais Nasdas. Vas-y démarre la Kawasaki ou le gaz-gaz. Bienvenue chez nous, la Catalunya, c'est un monde à part. Des têtes à tête comme à l'ancienne, y'a personne qui sépare. Mikolasson est mort, y'a personne qui le répare. Que des donneurs de go, des putes qui veulent pas me voir ses pères. Hey, ici c'est pas les rap contenders. Fais pas le show, on graille ton équipe comme des crapules. Ouais. Qui se lève pour faire des billets. J'passe le Buenos Dias à Messancho.